Chapitre 3. La voiture avait quitté la vallée, le torrent, les sauvages défilés. Elle s'engageait sur une route taillée dans le schiste rouge. Un paysage hivernal s'offrait aux regards émerveillés des deux sœurs. Les énormes rocs au ton de cuivre brasillaient sous le soleil du midi. Une forêt de hêtres et de chênes dressait vers le ciel ses branches encore dénudées. La route s'élargissait un peu, tournée dans un vallon où mugissait un jeune torrent serré dans son lit étroit. Sur sa rive, à droite, un village semblait plaqué contre les hautes roches, au sommet déchiqueté, comme si le feu du ciel l'eût foudroyé. Le clocher crénelé de la petite église s'enveloppait d'une lumière qui, déjà, s'apprêtait à quitter le vallon resserré. La voiture passait sur un vieux pont du Moyen-Âge, continuait sa montée sur la route qui tournait toujours. Elle s'engageait dans un cirque de hautes falaises rouges, dégradées par les éboulis qui formaient sur le sol des tas de pierrailles. Paysage aride, magnifique dans sa désolation. À droite, sur un promontoire, se dressait une construction qui rappelait, par ses ouvertures étroites et ses créneaux, les anciens palais italiens fortifiés, en ces temps où l'on se battait de ville à ville. Deux tours carrées, à meurtrières et mâchicoulis, donnaient l'aspect d'une forteresse à cette demeure dont la pierre avait pris le même ton fauve que le roc sur lequel s'appuyait son assise. Un oiseau de proie planait au-dessus dans la lumière du midi. « Bruxelles, sans doute, » dit Mao. Sa voix avait un léger frémissement. Gemma comprit que la légère Maro elle-même était impressionnée par l'allure farouche de cette demeure. « C'est donc là que nous allons vivre, » pensa-t-elle avec un étrange serrement de cœur. « Là-haut, dans cette solitude, dans ce désert de pierre. » La route contournait le promontoire dans un étroit défilé très montueux. Subitement, la voiture se trouva devant une antique muraille percée d'un porche monumental qu'elle franchit. Au-delà d'un grand espace nu se dressait le château que les arrivantes avaient aperçu d'en bas. Un domestique âgé, de mine imposante, parut sur le seuil et vint aider les jeunes filles à descendre. Il les introduisit dans un grand vestibule dallé de marbre rouge et blanc, décoré de très beaux bahuts du XVIe siècle et d'armures damasquinées. La jeune femme de chambre, déjà vue au grand hôtel, s'avança et pria les deux sœurs de la suivre afin qu'elle les conduisît à leur appartement. Par le grand escalier de marbre blanc, elles gagnèrent le second étage. Comme elles y atteignaient, une porte s'ouvrit, laissant apparaître une singulière créature. Elle avait la taille d'un enfant de 8 ans, un maigre visage flétri maladroitement fardé, de longs cheveux noirs réunis en une natte, attachés par un ruban écarlate. Sa robe de soie rose à fleurs, un peu élargie aux hanches par une sorte de vertugadin, comme celle des infantes dans les portraits de Velázquez, tombait jusqu'à ses pieds, chaussée de souliers en brocart d'argent à hauts talons. Des yeux brillants se levèrent sur les jeunes filles, des yeux où Gemma crut lire une sournoise jubilation. Une voix perçante s'éleva, disant ces mots « Encore deux pour la mort !» Puis l'apparition recula, refermait la porte sans bruit. « C'est la naine de Madame la Comtesse, » dit la femme de chambre. « Que ces demoiselles ne fassent pas attention, elle est un peu... » Et de son index, elle toucha son front. Puis elle ouvrit une porte et introduisit les deux sœurs dans une grande chambre tendue de vieux jouis, garnie de meubles anciens d'une noble simplicité. Deux lits s'alignaient côte à côte. Une confortable salle de bain se trouvait à côté. On y avait déposé les malles envoyés la veille de Valoris, selon les indications de Madame de Camparène. « Je vais apporter le déjeuner dans une demi-heure, » dit la femme de chambre. « À 3 heures, Madame recevra ses demoiselles pour leur souhaiter la bienvenue et leur présenter leurs élèves. » Aussitôt seule avec sa sœur, Mao laissa éclater son contentement. L'impression causée par le site sauvage et par l'extérieur du château s'effaçait devant le face de l'intérieur. « C'est une demeure magnifique. Je crois que nous serons admirablement bien ici, Gemma. » Sans répondre, Gemma alla vers une fenêtre qu'elle ouvrit. Des parterres s'étageaient sous ses yeux, étagés en terrasse qui montaient jusqu'à une forêt de pins et de mélèzes au-dessus de laquelle se dressait un escarpement couleur de rouille, dénudé, déchiqueté, se découpant sur le ciel pâle dans la pure lumière. De chaque côté du bâtiment principal se trouvait une aile longue à un étage surmontée de lucarnes dont l'ornementation évoquait l'époque de la Renaissance. L'espace compris entre elles formait un parterre décoré de grands vases antiques posés sur des piédestaux et, en son centre, d'une fontaine de marbre rose d'où s'échappait une onde bouillonnante qui tombait dans une large vasque de marbre blanc. « C'est merveilleux !» dit Mao qui était venu rejoindre sa sœur. « Oui, merveilleux !» répéta Gemma. Mais il n'y avait aucun enthousiasme dans sa voix. Elle, si sensible à la beauté des choses, se sentait comme glacée devant cet admirable décor qui atteindrait toute sa perfection dans quelques semaines, lorsque le tardif printemps de la montagne aurait couvert de fleurs les beaux parterres harmonieux. Quand le vieux maître d'hôtel introduisit Mao et Gemma dans le salon du rez-de-chaussée où les attendait Madame de Camparennes, elles virent se lever à leur entrée un mince jeune homme blond, de petite taille, vêtu d'un veston de velours noir et d'un pantalon de lainage blanc. Il se leva péniblement en s'appuyant au bras de son fauteuil et saisit aussitôt deux cannes déposées près de lui, sur lesquelles il s'appuya, tout en saluant les arrivantes. « Soyez les bienvenus à Bruxelles, mesdemoiselles !» dit la voix brève de la comtesse. Elle était assise près d'une table où se trouvait un jeu d'échecs et des livres. En désignant le jeune homme, elle ajouta « Mon petit-fils, Lionel de Camparennes, le père de vos élèves, qui vous remercie de bien vouloir prendre en main leur éducation. » Quelle douce voix, mélodieuse, caressante, caressante comme les yeux bleu pâle qui regardaient les jeunes filles, comme le sourire de la bouche fine qui découvrait de fines dents aiguës. « Nous espérons tous que vous vous trouverez bien à Bruxelles. » « Oh, je n'en doute pas !» dit spontanément Mao. Il sourit encore en attachant longuement sur elle son regard. « Je vois que Bruxelles vous plaît déjà. Tant mieux, nous ferons en sorte que vous ne soyez pas déçus par la suite. » Madame de Camparennes invita les jeunes filles à s'asseoir. Lionel reprit place sur son fauteuil. Il était infirme, ayant les jambes à demi paralysées depuis l'enfance, ainsi que devaient l'apprendre, par la suite, les nouvelles commensales du château. Il ressemblait à sa grand-mère, ayant comme elle le type anglais, des traits fins, des yeux du même bleu pâle. Mais il existait chez lui une séduction presque féminine que ne possédait pas Madame de Camparennes. Deux petites filles entrèrent, l'aînée, blonde aux vifs yeux bleus, au teint laiteux, la cadette, petite figure pâle, enfouie entre de grosses boucles châtain foncé. Celle-ci resta silencieuse, tandis que sa sœur répondait sans timidité aux paroles amicales de Gemma. « Viens, Joyce !» dit Lionel. L'enfant blonde s'approcha de son père. Il caressa les cheveux légers, les blanches petites joues. « Elle aime beaucoup le travail, » dit-il, s'adressant à Gemma. « J'espère que vous serez satisfaite d'elle. Mais je crains qu'il en soit tout autrement pour Auberte. » Il glissa vers l'autre petite fille un coup d'œil dont la douceur donna à Gemma la bizarre impression d'une hostilité secrète. « Auberte ne travaille pas. Elle ne joue pas. Elle rêve. J'aurai plaisir à vous voir réformer cela, mademoiselle. » « Nous y parviendrons certainement, monsieur. » La petite fille se trouvait près de Gemma. Celle-ci étendit la main, prit les doigts un peu crispés. « N'est-ce pas, Auberte, que vous vous mettrez au travail peu à peu ?» Des yeux d'un gris tendre, velouté, des yeux tristes d'enfant souffrante ou malheureuse se levèrent sur Gemma. « J'essaierai, mademoiselle, » dit une douce voix. « Maintenant, retirez-vous, enfant !» ordonna Madame de Camparennes. « Il n'y aura pas de leçon aujourd'hui. Mesdemoiselles de Fontayant vont faire un peu connaissance avec le château, avec les jardins. » Au seuil d'une pièce voisine apparut à ce moment une grande jeune femme, aux cheveux noirs, à la taille sculpturale. Tandis qu'elle s'avançait, Gemma pensa « Quelle allure ! Elle semble marcher sur des nuées, comme une déesse !» Le velours couleur capucine de sa robe semblait répandre un chaud reflet sur la fine peau mate. Des paupières un peu lourdes, bordées de cils courts et foncés, retombaient à demi sur les yeux qui glissèrent un rapide coup d'œil vers les deux sœurs. « Notre cousine italienne, Donna Letizia Camparini !» dit Madame de Camparène. Donna Letizia tendit aux jeunes filles une main un peu grande, mais d'une belle forme et à laquelle manquait le pouce. Elle leur adressa quelques mots de bienvenue sur un ton d'amabilité qui semblait un peu forcé. Sa voix était grave, avec des notes de contralto. Elle acquiesça d'un geste quand Madame de Camparène demanda « Veux-tu montrer les jardins à ces demoiselles, Letizia ?» Gemma et Mao se levèrent. La comtesse ajouta, s'adressant à elle, « Voulez-vous mettre un vêtement ? Je ne crois pas que ce soit nécessaire, car nous sommes de ce côté dans une situation particulière, abritée du nord, qui permet la culture des plantes que l'on est surpris de trouver à cette hauteur dans la montagne. »« Oh, nous ne sommes pas frileuses !» dit Mao. « Eh bien, à tout à l'heure !» Lionel la regardait en souriant. « Et puis, vous reviendrez et nous ferons de la musique. J'ai hâte de connaître votre talent. »« Peut-être serez-vous déçu, monsieur. »« J'ai idée que non. Ma cousine peut vous dire que mes impressions sont presque toujours justes. »« C'est exact. » Les yeux de Letizia, d'un noir profond, ténébreux, considéraient longuement Mao, souriante, si jolie avec son teint rosé par la douce chaleur de la pièce, et ce regard ingénu, cette mine puérile qu'elle avait parfois. « Il est aussi terriblement accapareur. Si votre talent lui plaît, il vous mettra souvent à contribution, mademoiselle, car la musique est une passion chez lui. »« Oh, je vous comprends si bien, monsieur !» Lionel se frotta doucement les mains. Il semblait enchanté. « Parfait, nous ferons de bonnes séances. Va, Letizia, montre à ces demoiselles notre cher vieux Bruxelles. » Letizia alla vers une porte-fenêtre qu'elle ouvrit. Un large degré de marbre s'étendait au long de cette façade, décorée d'une élégante loggia soutenue par des arcades de pierre finement ciselées. Tout en avançant dans le parterre, où la belle fontaine déversait son eau limpide, Letizia expliqua que le bâtiment central datait de la fin du XVe siècle avec quelques remaniements postérieurs. Les deux tours étaient plus anciennes. Quant aux ailes enserrant le parterre, elles avaient été construites dans le courant du XVIIe siècle. Une orangerie occupait le rez-de-chaussée de l'aile gauche. L'autre contenait des appartements, en général inhabités. Autrefois, quand les Camparennes recevaient des hôtes, ils servaient à leur logement. L'infirmité de mon cousin le rend un peu sauvage et on ne reçoit plus ici, maintenant, que quelques amis intimes. En outre, monsieur et madame de Camparennes étaient de grands voyageurs. Je devrais dire ma cousine surtout. Elle a entraîné son mari sur toutes les routes du globe. Aussi verrez-vous ici, dans la domesticité, un échantillon de diverses races exotiques. Le premier chauffeur est un noir de Guinée, la seconde femme de chambre une mulâtresse de la Martinique, le valet de chambre de Lionel un chinois. Quant à celui de monsieur de Camparène, il est russe, la femme de charge autrichienne, la femme de chambre de madame de Camparène anglaise, comme elle-même. Je crois que seuls le maître d'hôtel, la cuisinière et le second chauffeur sont français. « Oh, que c'est singulier !» dit Mao. Madame de Camparène a parfois des goûts assez originaux. Ainsi, il y a une vingtaine d'années, elle a ramené une naine qu'elle avait vue dans un harem turc. « Nous l'avons aperçue tout à l'heure, » dit Gemma. « Naturellement, elle est curieuse au dernier point. » Passablement toquée d'ailleurs. Letizia et ses compagnes longeaient à ce moment l'orangerie. À travers les hautes vitres, on apercevait des lauriers roses en caisse, des orangers, des grenadiers. À l'extrémité du parterre, une colonnade de marbre rose formait un hémicycle autour d'une statue de Diane. Le long des terrasses et de leurs escaliers se dressaient de grands buis taillés. Tout en haut, la forêt étendait sa masse sombre sur le ciel d'un bleu si pur. Elle descendait en forme de croissant, atteignant presque le château. À droite de celui-ci, des bâtiments bas se distinguaient entre les arbres. C'étaient les garages, communs, logements des jardiniers, comme l'expliqua Laetitia aux deux sœurs. À gauche, dans la pointe de la forêt, un mur gris, de hautes cheminées de pierre, apparaissait parmi les mélèzes et les sapins. Mao et Gemma voyaient tout cela du haut de la dernière terrasse, tournant le dos à la forêt. Elles s'appuyaient à la balustrade de pierre pour contempler le château, qui s'offrait tout entier à leur regard, sur cette façade et les jardins encadrés de ces noires futaies, de ces grands buis qui formaient un second plan harmonieux dans sa sévérité. Au fond, dominant de haut Bruxelles, des sommets s'étageaient, couverts de neige, par endroits étincelants sous les rayons obliques du soleil, un peu bas maintenant. À quelques pas en arrière des jeunes filles, Laetitia les considérait attentivement. Gemma, en se retournant, rencontra le lourd regard de ses yeux noirs. « Eh bien, croyez-vous vous plaire ici, mademoiselle ?»« Mais, je l'espère, la situation de cette demeure est magnifique. » »« Elle le paraît moins pendant l'hiver. Toutefois, l'organisation parfaite de Bruxelles en atténue beaucoup les inconvénients. » Elles descendirent les degrés des terrasses en causant. Mao disait son admiration. Laetitia la regardait curieusement, tout en lui donnant la réplique de sa voix calme aux belles sonorités. Elles passèrent sous la colonnade de marbre, rentrèrent dans le château par une des grandes portes vitrées qui ouvraient de ce côté. Celle-là était une des trois qui éclairait un grand salon décoré d'anciennes tapisseries, de précieux meubles de la Renaissance. La salle à manger, de la même époque, lui faisait suite, et ensuite la bibliothèque. Dans celle-ci, une large porte de chêne aux antiques ferrures ciselées donnait accès dans une des tours. « On l'appelle la tour Hardy », expliqua Laetitia. « Elle a joué un grand rôle dans la défense au temps où les seigneurs de Bruxelles dominaient le pays. » Au premier étage se trouve le laboratoire où nous travaillons, Lionel et moi. Monsieur Lionel s'occupe aussi de chimie, demanda Gemma. Oui, il s'y intéresse énormément. Nous faisons tous deux des recherches passionnantes. Ce n'est pas toujours sans risque car... Elle montra sa main mutilée. Voilà 5 ans que j'ai eu cet accident. Heureuse encore de m'en être tirée à si bon compte. Elles revinrent au salon où les attendaient Madame de Camparène et Lionel. Mao laissa éclater toute l'admiration que lui inspirait Bruxelles. Elle se mit à bavarder à sa manière vive, légère, amusante parfois. Lionel l'écoutait avec un sourire sur ses lèvres curieusement sinueuses, un sourire que Gemma n'aimait pas. Mais il était un musicien d'une singulière valeur. Pendant 2 heures, avec Mao enthousiasmé, il passa des maîtres classiques aux modernes, avec la même aisance, la même virtuosité. Violoncelle, violon, piano, aucun de ces instruments ne semblait avoir de secret pour lui. Il mettait dans son interprétation une note très personnelle, un peu étrange parfois. Plus qu'étrange. Gemma ne se rendait pas compte de ce qui lui donnait ce malaise en l'écoutant. Elle chercha en vain à se l'expliquer, le soir, une fois couchée, tandis que Mao dormait déjà paisiblement dans le lit jumeau. Pourquoi, aussi, l'éloignement que lui avait inspiré, dès le premier instant, le jeune père de ses élèves. Elle revoyait en pensée la soirée qui venait de finir. Le dîner dans la grande salle à manger, servi par le vieux maître d'hôtel, secondé par le valet de chambre russe, les roses blanches et les œillets pourpres, décorant la table garnie de précieuses dentelles, la physionomie affable et sans caractère de M. de Camparène, la grande mine et le froid regard de la comtesse, Dona Laetitia, vêtue de brillante soie jaune, son cou mat entouré d'un bizarre collier fait de petites têtes de serpents en or ciselé incrustées d'émeraudes. Dona Laetitia, son visage aux traits un peu lourds, le pli énigmatique de sa belle bouche, les paupières aux épais cils courts, souvent retombantes sur les yeux, qui semblaient scruter, à leur ombre, sournoisement. Et Lionel, si élégant dans son smoking, gai, aimable, séduisant. Tous aimables, d'ailleurs, chacun à sa manière. Toujours cette impression, chez les deux sœurs, d'être traitées en égales, d'être accueillies avec plaisir. Après le dîner, encore de la musique, jusqu'à 11 heures, tandis que Gemma jouait aux échecs avec M. de Camparennes, ravie de trouver une excellente partenaire pour son jeu favori. Quoi donc, en tout cela, pouvait justifier cet étrange sentiment de gêne, d'inquiétude ? Pourquoi penser, nous n'aurions pas dû accepter si vite, nous aurions dû nous renseigner ? Par la fenêtre ouverte, entrait l'air presque froid et la pâle clarté de la lune. Les frais parfums de la montagne, de la forêt proche, arrivaient jusqu'à la grande chambre où Mao dormait, où Gemma songeait. L'aube était proche quand, enfin, elle trouva le sommeil.